L'affaire, là, la cinématique, c'est que il y a un lien avec la forme puis le vibratoire. C'est surtout ça. Puis tout est fréquence. Tout est fréquence. Donc, c'est normal que les fréquences émettent des formes, puis c'est normal que les formes émettent des ondes. Puis le fréquentiel, puis l'ondulatoire, c'est pas au même degré une manifestation, mais il reste que c'est des phénomènes très intéressants. Très intéressant. Prenez quand vous faites chauffer un morceau de métal, il change de couleur. Hein? Quand il est le plus chaud, il devient blanc. Chauffé à blanc. Donc, bon, je pense que c'est assez clair, là.